Psaume 17. Requête de David. Éternel, écoute ma juste cause, sois attentif à mon cri, prête l'oreille à ma requête, laquelle je te fais sans qu'il y ait de fraude dans mes lèvres. Que mon droit sorte de ta présence, que tes yeux regardent à la justice. Tu as sondé mon cœur, tu l'as visité de nuit, tu m'as examiné, tu n'as rien trouvé, ma pensée ne va point au-delà de ma parole. Quant aux actions des hommes, selon la parole de tes lèvres, je me suis donné garde de la conduite de l'homme violent. Ayant affermi mes pas en tes sentiers, les plantes de mes pieds n'ont point chancelé. Ô Dieu fort, je t'invoque, parce que tu as accoutumé de m'exaucer, incline ton oreille vers moi, écoute mes paroles. Rends admirables tes gratuités, toi qui délivres ceux qui se retirent vers toi de devant ceux qui s'élèvent contre ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, et me cache sous l'ombre de tes ailes. De devant ces méchants qui m'ont pillé, et de mes ennemis mortels, qui m'environnent. La graisse leur cache le visage, ils parlent fièrement de leur bouche. Maintenant, ils nous environnent à chaque pas que nous faisons, ils jettent leurs regards pour nous étendre par terre. Ils ressemblent au lion qui ne demande qu'à déchirer, et au lion ceux qui se tient dans les lieux cachés. Lève-toi, ô Éternel, devance-le, renverse-le, délivre mon âme du méchant par ton épée. Éternel, délivre-moi par ta main de ces gens, des gens du monde, desquels le partage est en cette vie, et dont tu remplis le ventre de tes provisions, leurs enfants en sont rassasiés, et ils laissent le reste à leurs petits-enfants. Mais moi, je verrai ta face en justice, et je serai rassasié de ta ressemblance, quand je serai réveillé.